السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، bienvenue à vous chers auditeurs et chers auditrices sur les ondes de Radio Mirat al-Anbiya, cette radio salafi qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ceux qui étaient à l'origine de l'ouverture de cette radio. Et la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir comblés de ces rencontres à travers les ondes de cette radio. Notre assise, insha'Allah, sera la septième assise, et on va faire en sorte que cette assise soit un rappel sur des points importants, sur lesquels que nous avons vu auparavant, avant de qui est cette coupure, cette longue coupure des cours. Nous avons vu, en ce qui concerne les particularités et les fondements des gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna, et ceci, ce sont des cours qui sont extraits de certains écrits de l'érudit Rabi' Hafidhahullah, et qui sont édités dans un recueil par Dar al-Mirath al-Nabawi, qui est une maison d'édition salafi. Et donc, nous avons vu que les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna, comme l'a prouvé avec beaucoup d'écrits Cheikh Rabi' Hafidhahullah, prennent comme preuve la Sunna sans faire la sunna authentique, la sunna confirmée, la sunna établie, sans faire la différence entre le mutawathir de la sunna et l'ahad de la sunna. Donc, pour vous rappeler un petit peu, le hadith mutawathir, c'est le hadith dont la chaîne de transmission est constituée au minimum de 10 rapporteurs à chaque stade de la chaîne. La signification littéraire de le mutawatir veut dire ce qui est fréquent, régulier et successif. La signification technique, il désigne le hadith rapporté par un grand nombre de personnes qui rend le mensonge impossible. À chaque stade de la chaîne, il y a minimum 10 personnes. La raison humaine dit qu'il est impossible que ces rapporteurs se soient accordés pour inventer ce hadith. Ça, c'est la définition du mutawatir. Donc, nous allons utiliser ce terme durant cette assise, inshallah. Quant à l'ahad, le hadith ahad, c'est le hadith dont la chaîne est constituée de moins de 10 personnes à chaque stade de la chaîne. La signification littérale du hadith unique ahad, ahad veut dire unique. Le mot ahad est à l'origine le pluriel de ahad, un. Il signifie ce qui est unique, seul, singulier. La signification technique, c'est que le hadith qui ne remplit pas les conditions du hadith mutawatir. Il se divise en mashhur, en hadith célèbre, en aziz, hadith puissant, et en gharib, hadith rare. Et donc, Ça, c'est la définition du ahad et du mutawatir auquel nous aurons à, que nous allons utiliser durant cette assise, puisqu'ils sont utilisés, ils reviendront beaucoup dans ce passage. Donc, fait partie de la particularité, des particularités des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, c'est une particularité avec laquelle ils se différencient des gens de l'innovation et de ceux qui suivent leur passion, c'est qu'ils donnent l'importance à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'ils mémorisent et qu'ils préservent la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ils s'en occupent d'une façon tout à fait particulière. Dans ce sens-là, tout ceci que je vais dire, c'est un résumé de ce que nous avons vu auparavant pour nous remettre dans le bain de ces cours. Et dans ce sens-là, dit l'érudit al-Muhaddit Rabi al-Madkhali, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, louange à Allah qui nous a envoyé un messager qui fait partie de nous-mêmes pour nous réciter les versets d'Allah, pour nous purifier, pour nous apprendre le livre et la hikma. La hikma, c'est la sunna prophétique. C'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré son noble messager. Hein? En lui donnant la responsabilité et la fonction de faire, de donner des éclaircissements sur le noble Coran. Ce noble Coran dans lequel ne peut pas s'immiscer le faux. Et le messager alayhi salatu wassalam a donné à une grande clarification de ce Coran, que ce soit avec ses paroles alayhi salatu wassalam, ou avec ses actes, ou avec ses confirmations et ses affirmations alayhi salatu wassalam. Il, alayhi salatu wassalam, il a fait la particularité des textes qui sont généraux, et il a aussi spécifié les textes qui sont généraux, et il a aussi spécifié les textes absolus. Tout ça, c'était, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a accompli, et nous l'avons hérité dans la sunna de notre messager alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui préserve le Coran et la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a dit dans le Coran qu'il préserve le Coran et la Sunna, qu'il préserve la révélation, et qui est plus véridique que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus véridique dans la parole que Allah subhanahu wa ta'ala, et fait partie du dhikr, qui est la révélation, fait partie de ça la Sunna, qui est la hikma, qui est la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, que ce soit ses paroles, que ce soit ses actes, que ce soit ses approbations et ses confirmations, alayhi salatu wassalam. Et donc cette protection que Allah subhanahu wa ta'ala a promis ne peut s'accomplir qu'avec la protection de la sunna et la préservation de la noble sunna. Parce que il fait partie de la révélation que Allah subhanahu wa ta'ala a promis de préserver. Allah subhanahu wa ta'ala a préparé des hommes dans cette communauté. Cette communauté, déjà Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a préparé et il l'a élu pour être la meilleure des communautés qui a existé. Et il a préparé des hommes. Hein? Et à la tête de ces hommes, les nobles compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et puis, la génération qui l'aura suivi et ceux qui les ont suivis à la perfection. Et ces hommes-là ont mémorisé dans leur poitrine et dans leur cœur l'expression de la sunna ainsi que sa signification, et ils l'ont pris comme religion, que ce soit au niveau de leurs croyances ou au niveau de leurs actes. Ils ne faisaient pas la différence entre le Coran et la sunna, que ce soit au niveau des croyances, que ce soit au niveau des actes ou que ce soit au niveau des lois. Et ils ont été suivis sur ce chemin par les gens du hadith et de la sunna, qui se sont donnés, et qui ont fait des efforts à mémoriser et à préserver cette sunna, et à la prendre de ceux qui en sont dignes, à l'écouter d'eux et à s'asseoir avec eux pour l'apprendre. Et ils ont fait beaucoup de voyages, des voyages très longs, très dur à travers différents pays, différents continents. Un parmi eux faisait des fois le voyage de l'Est du monde islamique qui était connu vers l'Ouest du monde islamique qui était connu à cette époque. Et du Nord du monde islamique jusqu'au Sud. À tel point que certains parmi eux ont voyagé des mois et des nuits et des jours pour un seul hadith. Tout ceci prouve l'amour qu'ils avaient de cette sunna pure et le respect qu'ils avaient de cette sunna pure et la place importante qu'occupait la sunna dans leur vie et dans leur cœur. Tel point que la sunna, comme le dit Cheikh Rabi Hafidhallahu Ta'ala, a occupé leur cœur, leurs pensées, leurs sentiments. Et c'est pour ça que toutes les difficultés n'étaient faciles et ils ne la sentaient même pas. À la recherche de cette sunna, ils ont fait des efforts nuit et jour à la mémoriser, à l'écrire et à la mettre en application. Et il dit, rahimahullah, ils ont donné l'importance à connaître les hommes de cette sunna, les transmetteurs de cette sunna. Ils ne prenaient la sunna que des véridiques, des dignes, des intègres. Ils n'acceptaient pas la sunna des menteurs et de ceux qui sont accusés de quoi que ce soit et des faibles. Et tout ceci, comme dit Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, pour que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala s'accomplisse, qui est la promesse de protéger la religion et de protéger la révélation. Et j'ouvre une parenthèse et je dis, regardez maintenant nous autres qui avons hérité tout ceci sans faire d'effort. Regardez la différence entre nous et ces nobles hommes qui ont fait des efforts, et qui ont souffert, et qui ont dépensé ce qui est le plus cher pour accueillir et pour recueillir la sunna, regardez comment ils donnaient l'importance, et regardez maintenant nous, qui ont eu cet héritage. Et ceci fait penser à quelqu'un qui a fait passer toute sa vie, plus de 20 ans, plus de 15 ans, pour construire une maison, ou pour constituer un certain héritage. Et après arrivent derrière lui les héritiers, qui vont le dépenser n'importe comment, et qui vont agir très mal dans cet héritage. Et, regardez la différence, regardez cette noble place qu'avait la sunna, c'est le pieux prédisseur d'Allah alim, et regardez la place qu'il a maintenant, c'est certain, du pas c'est la majorité, abadan, a'oudou billah, mais c'est certain, qui néglige la sunna, qui ne donne pas l'importance de la sunna, et qui a cela montre quand tu lui refais le rappel de la sunna, et ainsi de suite. Et parmi les paroles qu'a dit Cheikh Rabi', Hafidhahullah Ta'ala, il dit qu'il est du devoir des doués de raison de comprendre et de capter les différences qu'il y a entre les gens de la sunna et les gens du groupe égaré. Et il dit, le fondement des gens de la sunna, c'est de se cramponner au livre et à la sunna, et de suivre la voie des croyants, celle qu'on désigne par le consensus, par l'ijma. Il dit, la religion des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, est basée sur ses fondements. Il dit, c'est pour ça que celui qui regarde l'histoire, il voit que les gens de la sunna se sont occupés du Coran, des sciences qui ont rapport avec le Coran, et ils ont écrit les livres de l'interprétation du Coran et les fondements de l'interprétation du Coran. Et ils ont donné une grande importance à la sunna. Ils ont écrit sur les différentes matières de la sunna à tel point que les hommes de science, hein, comme le dit Cheikh Rabi, que ils ont écrit sur une centaine de matières concernant la sunna. Parmi ces matières, ben, y a les livres du sunan, il y a le ma'ajim, il y a le sihah, et autres, le masanid, le musannafat, et fait partie de leur occupation aussi à laquelle ils ont donné une grande place, c'est le fait qu'ils se sont occupés de la science des hommes. Il fait partie de cette science des hommes, les livres de la réfutation et de l'éloge. Ils sont nombreux. Et aussi, ils ont écrit des livres qui donnent des éclaircissements sur les défaillances du hadith et les défectuosités du hadith. Et ils ont écrit des livres concernant les hadiths faibles et les hadiths inventés. Tout cela prouve qu'ils donnaient une grande importance de leur religion et qu'ils préservaient leur religion. Et il a dit, Hafidhahullah, et parmi les causes claires, c'est que, qui prouve cet attachement à la religion, comment les nobles compagnons ont donné l'importance à transmettre le message de Mohammed alayhi salam et à s'occuper de combattre et de faire des efforts pour le propager et à préserver la sunna de leur prophète alayhi salam, et rien n'a été perdu de cette sunna. Et sur cette voie-là, les ont suivis, leurs héritiers, les ont suivis à la perfection dans la préservation du livre d'Allah et de la sunna du messager alayhi salam, et ils l'ont mémorisé, ces générations qui ont suivi à la perfection. Oh, les nobles compagnons d'Allah alim ont mémorisé tout ceci dans leur cœur et dans leurs livres. Il dit, rahimahullah, en répliquant à quelqu'un qui ne donne pas l'importance de la sunna, il dit, parmi à ceux qui font partie du groupe égaré, il dit, rahimahullah, au hafidah, il n'y a aucune valeur dans la vie des musulmans sans la sunna et sans le fait de prendre la lumière de la sunna. Aucune valeur n'a la vie des musulmans s'ils ne prennent pas sans la sunna et sans s'éclairer avec la sunna. La vie sans la sunna est une perte claire, est un égarement clair, et aussi c'est la colère du souverain subhanahu wa ta'ala. Et il dit par Allah, un seul hadith de la sunna du prophète alayhi salatu salam est mieux que ce bas monde et ce qu'il contient. Ainsi. Et il dit, Hafidhahullah, et ça, ce sont certains fruits de la sunna. Il dit, c'est avec la sunna, avec le Coran, que les pieux ont été élevés sur les autres communautés. Et c'est avec le Coran et la Sunna qu'ils ont ouvert et conquis les peuples et le cœur de ces peuples et qu'ils ont ouvert les pays. Et c'est avec le Coran et la Sunna que les géants de cette époque se sont soumis à eux, que ce soit Zanadiqa, que ce soit les Juifs, que ce soit les Zoroastriens, que ce soit les chrétiens. Et les c'est avec la sunna qu'ils ont pris le dessus sur toutes ces populations-là. Il dit, et quand les musulmans faiblissent dans le fait de se cramponner à la sunna et de la mettre en application, ben ils sont rabaissés, ils sont déshonorés, ils ne peuvent sortir de ces déshonneurs et lever la tête qu'en revenant à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit, rahimahullah, et donc cela s'arrête, cette citation de Cheikh Rabi, et celui qui a fait la compilation dit, l'importance qu'ont donné les gens de la sunna, et ceux qui sont unanimes sur la sunna, les salafis à la sunna, et comment ils ont œuvré pour cette sunna, Allah subhanahu wa ta'ala les a enrichis avec cette sunna. Ils avaient besoin de personne dans tout ce qui concerne leur religion. Hein? Ils n'avaient pas besoin des choses qu'on les, ou des matières qu'ont les gens de l'innovation et de l'égarement. Et en même temps, tous les autres groupes dépendent des gens de la Sunna. Ils ont un grand besoin. Ils sont pauvres devant les gens de la Sunna. Ils ont un grand besoin de la science qu'ont les gens de la Sunna. Et il dit, Hafidhahullah, et il dit, celui qui a fait la compilation, et ceci, hein, c'est un honneur, hein, avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a honoré les gens de la Sunna, parce qu'ils ont donné l'importance au livre et à la Sunna du messager alayhi salatu wassalam. Ils s'en ont occupés. Et dans ce sens-là, Cheikh Rabi, Hafidhahullah, il dit, confirmant tout ce qui a été cité auparavant durant les six autres premiers cours, les six premiers cours d'avant. Les gens du hadith sont la fraction victorieuse. Ils sont la fraction sauvée. C'est la même chose. Ce sont deux termes pour désigner le même groupe. Et c'est eux vers lesquels les gens reviennent concernant leurs convictions, leurs croyances, vers lequel les gens reviennent concernant toutes les sciences, les fuqaha, ainsi que les exégètes du Coran, ainsi que les historiens, et tous les groupes de cette communauté ont un grand besoin de la science qu'ont les gens du hadith, que ce soit au niveau des croyances, que ce soit au niveau du fait des éclaircissements concernant les hadiths, que ce soit pour faire la différence entre les hadiths authentiques, la sunna authentique et la faible et l'inventée, que ce soit pour connaître les hommes véridiques des chaînes de transmission ou les menteurs, les faibles ou les forts. Tout ceci ne peuvent le trouver que chez les gens du hadith. Donc tout le monde dépend des gens des hadiths que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. C'est pour ça, il dit, Hafidhahullah, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que le haqq est avec eux, la vérité est avec eux, et que ce sont eux les gens du groupe sauvé, dont le hadith authentique où il a dit alayhi salatu salam restera une fraction de ma communauté accomplissant l'ordre d'Allah, peu importe, ça ne les gênera en rien. Ceux qui veulent les faiblir de l'intérieur ou ceux qui sont en divergence avec eux jusqu'à ce qu'arrive l'ordre d'Allah, ils seront dans cette situation-là, hein, apparent et ayant le dessus sur tous les gens. Yaqulu Hafidhahullah, cette fraction, c'est la fraction sauvée. Car, hein, il a accompli l'islam. Au niveau des croyances, au niveau de la voix, au niveau des adorations, au niveau du comportement, au niveau de l'éclaircissement, au niveau du fait d'écrire les sciences du messager alayhi salatu salam. Et donc tous les groupes dépendent de deux, que ce soit au niveau de l'exégète du Coran. Tu trouves que les imams du tafsir sont chez les gens du hadith, c'est le groupe sauvé. Tu trouves, Abd al-Razzaq était un imam du hadith. Il a le Moussannaf et il a aussi fait une interprétation du Coran. Ibn Abi Hatim fait partie des imams du hadith. Il a fait l'interprétation du Coran. Ibn Jarir Tabari fait partie des imams du hadith. Il a fait l'interprétation du Coran. L'imam al-Baghawi fait partie des imams du hadith. Il a fait l'interprétation du Coran. Et chez imams du hadith, tu trouves, hein, l'interprétation du Coran sur laquelle tu peux t'appuyer. Parce que c'est l'interprétation du Coran avec le Coran et l'interprétation du Coran avec la Sunna. Et ceci, tu ne le trouveras que chez les gens du hadith. Tu ne le trouveras pas chez les autres groupes. Abadan. Et il dit, rahimahullah, et donc, et au niveau aussi des croyances et ce sont eux la base, les gens du hadith et la fraction sauvée, c'est elle la base, hein, pour tous les autres groupes au niveau des croyances, au niveau du hadith authentique, au niveau du hadith faible, pour faire la différence et faire le discerner entre le hadith authentique et ceux qui ne le sont pas, et savoir la situation des hommes, des chaînes de transmission. Tout ceci, on le trouve chez les gens du hadith. Et il dit, il a raison, celui qui atteste pour eux que ce sont les gens de la vérité et que ce sont la fraction sauvée qui a été annoncée dans le hadith du messager alayhi salatu salam. Hein, et ici s'arrête, là, les paroles, cette citation ici du Cheikh Rabi'a. Et fait partie des fondements et des particularités des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, c'est que la science et les gens, c'est chez eux, contrairement à Al-Mu'tazila et autres parmi les gens de l'innovation, c'est que hein, le Khabar Ahad, celui dont on a donné la définition, du moment qu'il est authentique, bah, ils le mettent en application. Hein? Il y a une science dedans, hein? Qu'ils mettent en application. Ils n'ont pas, comme disent les groupes éclatés, comme le Mu'tazila, que l'ahad, il n'y a pas de signification dedans, et que si un ahad, il n'y a que l'incertitude, il n'y a pas quelque chose de sûr et de certain. Hein? Et Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala écrit beaucoup d'écrits, beaucoup d'exposés, des livres et des livrets concernant ce point pour faire triompher la voix du pieux prédisseur d'Allah Alim et la voix des gens de la Sunna. Et il a répliqué aux gens de l'innovation et de ceux qui suivent leur passion parmi les anciens et les contemporains. Et comme il a montré le crime d'Aboul Hassan, Aboul Fitan, hein, le crime qu'il a commis contre les fondements de la Salafia et les fondements des gens de la Sunna. Puisque il a dit concernant Aboul Hassan, que Aboul Hassan a pris et a pris la parole des gens de l'innovation parmi le Mu'tazila, il Khawarij, ainsi que le Rawafid. Et qu'Aboul Hassan est tombé en divergence avec les gens de la Sunna. Les gens de la Sunna dont la parole est basée sur le livre, sur la Sunna, sur le consensus du noble compagnon et sur la voie sur laquelle étaient les grands imams de l'islam, c'est-à-dire les grands hommes de science, et sur laquelle étaient les gens du hadith et la majorité des salafs et des derniers parmi cette communauté. Et il dit, il Mu'tazila et ceux qui les ont suivis n'ont pas de preuve ni dans le livre ni dans la Sunna. Parce que Aboul Hassan a défendu la parole d'Al Mu'tazila concernant le hadith al-Ahad. Et Cheikh Rabi, Hafidhahullah, a réservé un passage. Et ça, on le trouve dans le 13e tome, entre la page 179 et 181, dans le Mujmu' du Fatawa du Cheikh Rabi', dont le titre est « La position des gens de la Sunna vis-à-vis de ceux qui disent que Khabar al-Ahad, que l'information rapportée par un nombre limité de personnes, c'est-à-dire Khabar al-Ahad, ne fournit pas de certitude. » Et dans ce chapitre, il a cité la parole de grands imams parmi les imams du hadith et des pieux prédisseurs d'Allah alayhim. Et leur parole stipule comme quoi l'information ahad, le hadith ahad, il y a la science dedans. Hein? Et dans leur parole, on retrouve aussi la réplique à ceux qui disent que le Khabar al-Ahad et ne fournit pas de certitude. A'oudou billah. Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala a écrit qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve beaucoup d'exposés dans lequel il a montré la voie des plus prédisseurs d'Allah alayhim concernant ce chapitre. Parmi ses livres, il a écrit aussi la position d'Abu al-Hassan concernant Hadith al-Ahad. Concernant Akhbar al-Ahad. Et il a écrit aussi l'innocentement, les gens de la sunna sont innocents de ce que leur attribuent les gens de la fitna. Il a écrit aussi pour répliquer à cet égarement le débat avec Abu al-Hassan concernant Hadith al-Ahad. Et comme il a écrit, Hafidhahullah, les preuves des gens de la sunna comme quoi le Hadith al-Ahad, il y a une science à retenir dedans. Et il a ramené les paroles de l'érudit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, Cheikh al-Islam Thani, le deuxième Cheikh al-Islam. Il a ramené les paroles de Ibn al-Qayyim, qui sont dans son livre Sawa'iq al-Mursala ala al-Jahmi al-Mu'attila, qui est la foudre foudroyante envoyée aux Jahmites et à ceux qui dépouillent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala de leur sens. Dans ce livre, Ibn al-Qayyim a ramené plus de 20 preuves du livre et de la sunna. Comme quoi, Khabar al-Ahad, quand il est authentique, il y a une science dedans. Et tout ceci est contenu dans le majmou', l'ensemble de recueil de Cheikh Rabi, Hafidhahullah, dans le 13e tome. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala allons sa vie dans son obéissance. Et maintenant nous allons passer à un nouveau chapitre qui a toujours rapport avec Khabar al-Ahad. من أصولي ومميزات أهل السنة والجماعة السلفيين في التلقي والاستدلال الاحتجاج بخبر الأحاد بخبر الخبر الواحد في إثبات العقيدة من غير تفريق بينه وبين المتواتر خلافا لأهل البدع. Il dit fait partie des fondements et des particularités des gens de la Sunna, des salafis, dans l'acceptation, c'est qu'ils acceptent, ils mettent, ils prennent comme preuve, comme argument, le hadith qui est rapporté par une seule personne, que ce soit dans l'aqida. Ils ne font pas la différence entre le mutawatir et l'ahad, contrairement aux gens de l'innovation. Dès le moment que khabar l'ahad est authentique, ils le mettent en application, que ce soit dans l'aqida, ou que ce soit dans les lois, ou que ce soit dans les actes. وقد كتب العلامة ربيع المدخلي حفظه الله في تقرير هذا الأصل السلفي كتابا سماه حجية خبر الواحد في العقائد والأحكام وهو مطبوع ضمن المجلد الخامس من مجموعة كتب ورسائل الشيخ حفظه الله تعالى. Et dans ce sens-là, Cheikh Rabi, حفظه الله, pour confirmer ce fondement salafi, il a écrit un livre, Les preuves comme quoi le hadith unique, l'ahad, est une preuve que le hadith unique, hadith ahad, est une preuve dans les croyances et dans les lois. Et ce livre, il est dans le majmou' des fatawa du Sheikh et il se trouve dans le 5e tome. كما أنه حفظه الله تعالى ورعاه وجعل الجنة مثواه تناول هذا الموضوع في مواطن كثيرة من ردوده العلمية وجهاده لأهل البدع والأهواء أوضح فيها وبين منهجه للسنة والجماعة السلفيين في الأخذ بأحاديث الآحاد الثابتة في العقيدة كم aussi que الله سبحانه وتعالى le préserve et le protège et allonge sa vie dans son obéissance et qui sa demeure qui lui réserve une grande place dans le paradis, dans le Firdaus al-A'la, a traité ce sujet dans différents endroits de ses répliques scientifiques, dans lesquelles il combat les gens de l'innovation et ceux qui suivent leur passion. Et il a donné des éclaircissements, et il a montré que la voix des pieux prédécesseurs et qui est la voix des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, c'est de mettre en application le hadith al-ahad, qui sont authentiques, qui sont établies authentiques dans les croyances. Min dalika qawluhu hafidhahu Allah ahlus sunnati wal jama'a yaqbaluna akhbar al ahad wa akhbar sahihain fiha al kathir min al mutawatirat wa fiha ahadith min al ahad hadhihi al ahad تلقاها أفذاد العلماء وإمتهم بالقبول واطمأنوا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قالها لأنها جاءتهم عن طريق مصادر موثوقة وعن أئمة تقات فتلقوها ولم يتلقوها تلقي الخرافيين وأهل البدع. يتلقى الخرافيون البدع والطراهات والحكايات والمنامات التي توافق أهواءهم فيقبلونها ويبنون عليها دينهم. Parmi les choses qu'il a dites dans ce livre, hein, c'est que les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna acceptent le hadith ahad. Et il dit, les hadiths qu'il y a dans les authentiques, c'est-à-dire chez l'imam Bukhari ou chez l'imam Muslim, il y a beaucoup de hadiths qui sont mutawatir. Il y a aussi des hadiths qui sont ahad. Il dit, ces hadiths ahad qu'il y a dans les authentiques, les élites des hommes de science, et les érudits parmi les hommes de science les ont acceptés. Et les imams du hadith ont accepté ces hadiths. Et ils étaient apaisés comme quoi le messager alayhi salatu wasalam a dit ces hadiths. Car ces hadiths, ils leur ont été transmis et arrivés par des voies qui sont sûres, des voies dignes. Ils les ont reçus par des imams dignes de confiance, des imams intègres qui ont accueilli ces hadiths, qui les ont acceptés. Et les gens de la sunna ne font pas comme ceux qui vivent avec les histoires à dormir debout et les gens de l'innovation. Ceux qui vivent avec les histoires à dormir debout et les innovations, et qui vivent avec les futilités, les histoires et les rêves, ceux-là, ils acceptent ce qui convient à leur passion et ils l'acceptent et ils construisent, ils basent leur religion dessus. Ahlu sunna laysu kadhalik. اشترطوا لقبول الحديث شروطا ولله الحمد تضمن لهم سلامة العقيدة وسلامة المنهج وسلامة المسؤولية أمام الله تعالى فلا يقبلون الحديث إلا إذا رواه العدول عن العدول عن العدول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. Et il dit, Hafidhahullah Ta'ala, quant aux gens de la sunna, ils ne sont pas ainsi, ils n'agissent pas ainsi. Les gens de la sunna ont émis des conditions pour accepter les hadiths. Ils allongent à Allah. Ces conditions leur garantissent, hein, une aqidah saine, une voie saine. Et aussi, ils leur garantissent leur responsabilité devant Allah Azza wa Jal. Il n'accepte le hadith que si il a été transmis par des rapporteurs intègres, dignes et intègres. Hein? L'intègre qui leur apporte de l'intègre, qui leur apporte de l'intègre jusqu'au messager alayhi salatu wassalam. Une transmission d'un intègre qui a et qui est de surcroît, il a tam dabt, ce qui constitue qu'il maîtrise sa mémorisation, hein, et que en même temps il maîtrise ce qu'il a mis dans son livre, c'est-à-dire, hein, ce rapporteur fait partie de ses qualités, c'est qu'il maîtrise. Ce qu'il a mémorisé, il le maîtrise. Ce qu'il a écrit, il le maîtrise. Et il le transmet comme il l'a entendu. Et il l'écrit comme il l'a entendu de son transmetteur intègre. Et donc, ils ont émis ces conditions. Intègre, le rapportant d'intègre, le rapportant du messager alayhi salatu wassalam, et qui maîtrise, que ce soit sa mémorisation ou son écrit, et aussi une des conditions, c'est la continuité de la chaîne, que la chaîne ne soit pas coupée, et que le hadith, qu'il n'y ait pas dans le hadith une faille, on dit fixiosité, et que le hadith ne soit pas marginal, hein, qu'il n'y ait pas quelque chose de marginal par rapport aux intègres, aux autres intègres dans le hadith. Tout ceci, ce sont des conditions sur lesquelles ont basé les gens de la sunna l'acceptation, parmi, ce sont certaines conditions sur lesquelles ils ont basé l'acceptation du hadith. وعلى هذا الأصل بنوا تلقي الأخبار ومنها ما هو متواتر فتلقوه بالقبول ومنها ما جاء من طريق الآحاد التقات فهذا أيضا تلقوه بالقبول وبنوا عليه عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم إلى دي حفظه الله. Et sur cette base ils ont constitué leur acceptation des hadiths. Fait partie des hadiths ceux qui sont متواتر, ils l'ont accepté. Et ceux qui sont venus par des voies uniques, ahad, mais qui sont venus par des voies uniques, par des dînes intègres, ceux-là aussi ils l'ont accepté. Ils ont basé leurs croyances dessus, leurs actes, leurs adorations et ainsi de suite. Wa qala saddadahu Allah. أشيع وكتل الحديث أن أخبر الآحاد لا تفيد إلا الظن وأنها لا يحتج بها في باب العقائد بينما أنت ترى أئمة الإسلام يحتجون بالسنة في إثبات العقائد والصحابة كما رأيتم يحتجون بالسنة في باب العقائد وأئمة الحديث لا يومنا هذا ولله الحمد يحتجون بالسنة في باب العقائد ويرون أن الحجة تقوم بها. إلى دي رحمه الله دون مجموع الرقائق المجموع الرائق ولكال إلى كونتيني des conseils sur Zuhd. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, il a été propagé, et on parle beaucoup en ce moment que le hadith ahad ne donne que des informations incertaines, et qu'on ne peut pas le prendre comme preuve au niveau des croyants. Il dit alors que tu vois que les imams de l'islam prennent comme preuve la sunna pour confirmer les croyances. Et il a dit, les compagnons, comme vous l'avez vu, prennent comme preuve la sunna au niveau des croyances. Les imams du hadith jusqu'à nos jours, il a louange à Allah, prennent comme preuve la sunna au niveau du hadith. Et que les preuves s'accomplissent avec la sunna. C'est-à-dire avec la sunna authentique rapportée avec le hadith ahad. وفي سياق تقرير العلامة ربيع حفظه الله لأصل أهل السنة في الأخذ بأحاديث الآحاد صحيحة في العقيدة بيّن بأن أهل الأهواء والبدع على خلاف ذلك حيث إنهم أنفوا الأخذ بأخبار الآحاد في العقائد بدعوى أنها لا تفيد إلا مجرد الظن والعقائد إنما تبنى على اليقينيات. Et dans le contexte de la confirmation de l'érudit Cheikh Rabi, Hafidhahullah Ta'ala, sa confirmation de ce fondement des gens de la sunna, comme quoi ils mettent en application les hadiths ahad authentiques dans l'aqida, il montre, il donne des éclaircissements sur le fait que les gens qui suivent leurs passions et les innovations sont sur une autre voie que celle-ci. Ils sont en divergence avec les gens de la sunna et qu'ils ne donnent pas l'importance au hadith ahad dans les croyances, prétendant que les hadiths ahad ne fournissent pas de certitude, ne fournissent pas de certitude d'informations sûres, et que les croyances doivent être basées sur des choses qui sont sûres. Ça, c'est la parole des gens de l'innovation. فقال حفظه الله وسدده إن تلقي الأمة بالقبول لحديث ما معناه أنها آمنت به ودانت به وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاله وأن هذا النص قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et qu'il a l'enseveli dans son obéissance et qu'il lui donne le Firdaus al-A'la, que la communauté a accepté le hadith. Quand la communauté accepte un hadith quelconque, cela veut dire qu'il croit en son hadith et qu'il prend comme religion ce hadith et que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit et que ce texte est confirmé du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. يقول وهذا يا إخوتاه قائم على أصل وهو قبول الأخبار ولو كانت آحادا إذا جاءتنا عن طريق الثقات عن الثقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا منهج أهل السنة والجماعة وهو منهج الصحابة ومنهج من تبعهم بإحسان ومنهج أئمة الهدى. Il dit ça, mes frères, c'est quelque chose qui est basé sur un fondement qui est le fait d'accepter l'acceptation des hadiths ahad. L'acceptation des hadiths, même s'ils sont ahad, quand tous ces hadiths ne viennent d'une voie sûre, que d'une voie intègre, qui remonte jusqu'au messager, alayhi salatu salam. Il dit ça, c'est la voix des gens de la sunna, et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, c'est la voix des nobles compagnons, radhiyallahu anhum, c'est la voix de ceux qui les ont suivis à la perfection, c'est la voix des grands imams de la guidance de cette communauté. يقول بخلاف أئمة الضلال من المعتزلة والخوارج والروافض وغيرهم فإن منهجهم يختلف في تلقي الأخبار حتى أحيانا أخبار متواترة قد يردونها بحجة أنها أخبار آحاد وأحيانا يتأولون نصوص القرآن القطعية فيخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن سار على منهجهم في تلقي مثل أحاديث الصفات وغيرها من العقائد. Il dit حفظه الله contrairement aux imams de l'égarement parmi le Mu'tazila, parmi le Khawarij, parmi le Rawafid et autres. Leur voix, elle est différente dans l'acceptation des hadiths. Certaines fois, même le hadith mutawatir, ils le rejettent, prétextant que c'est un hadith ahad. Et des fois, ils font des fausses interprétations au texte du Coran. Des textes du Coran qui sont clairs, irréfutables, ils en font une fausse interprétation. Ainsi, ils tombent ils sont en divergence avec le messager, alayhi salatu salam, ses nobles compagnons, et ceux qui ont suivi leur voie dans l'acceptation du hadith concernant les attributs d'Allah, azza wa jal, et concernant les convictions et les croyances. يقولون النص لا بد أن يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة فإذا كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة تلقيناه بالقبول وبنانا عليه عقائدنا وإذا كان قطعي الثبوت ظني الدلالة فإننا لا نأخذ بهذه الأدلة بهذه الدلالة الظنية في عقائدنا فيتأولون صفات الله عز وجل من العلو والنزول والمجيء والرضا والغضب وما شاكل ذلك بهذه الطراهات الضالة والعياذ بالله التي أملاها الشيطان على أهل الأهواء. Il dit, حفظه الله, ces groupes qui sont en divergence avec les gens de la sunna, pour eux, ils disent que le texte doit être clair, irréfutable au niveau de sa confirmation ainsi qu'au niveau des preuves qu'il contient. Et à partir de là, c'est le hadith. Et ils disent s'il est clair, sûr, irréfutable au niveau de sa confirmation et au niveau des preuves qu'il contient, nous l'acceptons et nous basons nos croyances dessus. Et à partir de là, si le hadith, tout en étant rapporté de manière établie, n'apporte d'enseignement que de façon incertaine, alors nous ne prenons pas ce genre de récit dans ce qui a trait à notre dogme. Hein? Ainsi, ils vont faire avec cette règle qu'ils ont instaurée, hein, et ces paroles qu'ils disent, ils vont donner des fausses interprétations aux attributs d'Allah. L'élévation d'Allah, Azza wa Jal, la descente d'Allah, la venue d'Allah, l'agrément d'Allah, la colère d'Allah et tout ce qui est similaire, hein, à ses attributs, ils vont lui donner une fausse interprétation avec ses futilités et ses égarements que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ses futilités et ses égarements que Shaitan leur a dicté, que Shaitan a dicté aux gens, hein, qui suivent leur passion. وقال حفظه الله هؤلاء كثير منهم يشوشون على القرآن ويشوشون على السنة فيقولون السنة أخبر آحاد والأحاديث الصحيحة التي تلقت الأمة بالقبول أخبر آحاد ما نحتج بها في العقائد عندما يحتج أهل السنة بالنصوص القرآن على إثبات صفات الله تعالى يقولون نصوص القرآن وإن كانت قطعية الثبوت فإنها ظنية الدلالة والعقائد لا تثبت بالظن إيه إلدي حفظه الله تعالى سلا ramène beaucoup d'ambiguïté concernant le Coran, il ramène beaucoup d'ambiguïté concernant la Sunna. Ils disent que la Sunna, hein, est, qui est du domaine des Ahad, et que les, hein, ils disent de la Sunna qui est du domaine du Ahad, et que des hadiths authentiques que la communauté des hommes de science a accepté, ils disent, le hadith ahad, on ne le prend pas comme preuve dans les croyances. Et quand les gens de la sunna prennent comme preuve, pour confirmer les attributs d'Allah Azza wa Jal, ces éclatés disent les textes du Coran, même s'ils sont irréfutables au niveau de leur conformation, et qu'ils sont clairs et sûrs, hein, ils sont incertains, ces textes sont incertains au niveau de l'argumentation concernant, hein, ils sont incertains au niveau de l'argumentation et les croyances, on ne peut pas les baser et les confirmer avec des informations incertaines. L'ayadan billah. Wa ma'a hada ta'annut wa tanattu' tujaha nusus al-Qur'an wa as-sunan الصحيحة الثابتة إذا جاءت أحاديث باطلة لا يحتج بها أهل السنة وهم يحتجون بها في العقائد إذا جئت إلى باب العقائد وناقشتهم في عقائدهم الفاسدة في تعطيل صفات الله وغيرها قالوا لا هذه أخبار أحاد وهم من جهة أخرى يحتجون بالأباطيل على ضلالاتهم وخرافاتهم. Et il dit, Havidallah, avec cette exagération, hein, vis-à-vis des textes du Coran, vis-à-vis des sunnans authentiques établies, hein, dit quand il y a des hadiths faux, des hadiths qui contiennent du faux, que les gens de la sunna ne mettent pas en application, ils mettent de côté, eux, ces éclatés, hein, eux, ces égarés, les prennent comme preuve dans les croyances. Et quand tu viens au niveau des croyances débattre avec eux concernant leurs fausses croyances, dont le fait qu'ils dépouillent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et autres, ils disent non. Hein? Ce sont des hadiths ahad. Alors que de l'autre côté, ils vont argumenter avec des choses qui sont faux. Ils vont argumenter pour leur égarement et pour leurs histoires à dormir debout avec des choses qui sont fausses. Hein? Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et vous avez, hein, vous avez l'ahbash. Regardez les dégâts qu'ils font et comment ils dépouille l'essence, hein, les attributs d'Allah Azza wa Jal, et malgré tout ça, ils s'appellent les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. L'ayadan billah. Et d'autres. ترى بعض الكتاب المعاصرين لا سيما من الحزبيين بأفكار المعتزلة ومن ذلك عقيدتهم الباطلة في أخبار الآحاد النبوية وأنها لا تصلح دليلا في مسائل الاعتقاد ومن هؤلاء على سبيل المثال للحصر سيد قطب والغزالي وغيرهما وقد انبرى للرد عليهم وبيان ضلالهم حامل راية الجرح والتعديل بحق ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وأجزل له المتوبة. Et le compilateur a dit, certains écrivains contemporains, surtout parmi les Hizbi, ont été influencés par les pensées mu'tazilites et par leurs fausses croyances concernant le hadith prophétique Ahad, et que ces hadiths ne sont pas bons pour argumenter, et ne sont pas bons comme argument dans le sujet des croyances. Et parmi ceux-là, comme exemple, et non pas pour limiter tout simplement à ceux-là, pour se limiter tout simplement à ceux-là, mais c'est un exemple, Sayyid Qutb al-Ghazali, l'Égyptien et autres. Et Cheikh Rabi Hafidahullah Ta'ala leur a répliqué et a donné un grand éclaircissement sur leur égarement. Et il est le porteur de l'étendard de la réfutation et de l'éloge avec vérité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et qu'il le récompense d'une grande récompense qu'il lui donne le Firdaus al-A'la. فقال حفظه الله وختم له بالحسنى في معرض رده على سيد قطب تحت عنوان سيد لا يقبل أخبار الآحاد صحيحة في العقيدة بل لا يقبل الأحاديث المتواترة يقول أي سيد قطب في سياق رده للروايات التي تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحره رجل من اليهود وقد وردت روايات بعضها صحيح ولكنها غير متواتر وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة والمرجع هو القرآن والتواتر شرط للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et que en répliquant, à Sayyid Qutb, il a écrit un titre, Sayyid, c'est-à-dire Sayyid Qutb n'accepte pas l'ahadith ahad authentique dans les croyances. Et même il n'accepte pas les hadiths mutawatir. Il rapporte les paroles de Sayyid Qutb qui dit il rapporte les hadiths dans lesquels Sayyid Qutb rejette les hadiths dans lesquels sont annoncés que le prophète alayhi salatu wassalam a été ensorcelé par un homme juif. Et Sayyid Qutb dit qu'il a été rapporté des versions. Certains sont authentiques, mais ils ne sont pas mutawatir. Et que le hadith ahad, on ne le prend pas en ce qui concerne les croyances. Et que il faut revenir au Coran. Et que tawatur, c'est une des conditions pour les hadiths concernant les fondements des croyances. Ça, c'est la parole de Sayyid Qutb, à laquelle va répliquer Cheikh Rabi'. قال Cheikh Rabi' حفظه الله معلقا فأنت تراه يعترف بصحة بعض الروايات في الموضوع المذكور ولكنه لا يأخذ بها لأن التواتر عنده شرط للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد. لكن هذا الشرط ما دليله ومن قاله؟ إنهم في فرق الضلال من الجهمية والمعتزلة والخوارج الذين جاراهم سيد وخالف جماهير العلماء من السلف والخلف حيث ذهبوا إلى أن خبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا بموجبه أفاد العلم. وعلى هذا المذهب الصحيح أهل الحديث قاطبة وأحاديث الصحيحين من هذا النوع. الشيخ ربيع pour répliquer à سيد قطب, il dit: tu vois comment سيد قطب reconnaît l'authenticité ou l'établissement de certains hadiths concernant le sujet cité ici. Mais il ne le prend pas en considération, car pour lui, tawatur est une des conditions pour mettre en application les hadiths dans les fondements de la, des croyances. Et Cheikh Rabi' de poser la question, mais cette condition, c'est quoi ces preuves? Et qui a émis, et qui a dit, hein? Qui a instauré ces conditions? Et il dit, Havidallah, ce sont les groupes de l'égarement, parmi les Jahmites, les Mu'tazila et les Khawarij, hein, dans le sens desquels va Sayyid Qutb, qui a pris un chemin qui est en divergence du chemin de la grande majorité des hommes de science parmi Salaf et leurs successeurs, qui sont sur la voie que le hadith Ahad, quand la communauté des hommes de science l'a accepté, en le prenant comme véridique, et qu'il le met en application, que ce hadith, il contient des informations, une science. Et selon cette voie authentique, cette voie établie, sont les gens tous les gens du hadith. Et il dit, les hadiths de l'authentique font partie de cette catégorie. وقال في معرض ردي على الغزال المصري خذ مثلا قوله والأحاديث الصحاح من رواية الآحاد تفيد العلم المضمون لا العلم المستيقن وقد اتفق علماؤنا على العمل بها في فروع الشريعة ورأيت قلة من الظاهرية والحنابلة يرون العمل بالآحاد في القضايا القطعية بيد أن هذا رأي مردود وعلى أي حال فعقائدنا تعتمد على نصوص متواترة سواء كان التواتر لفظيا أو معنويا ويقول الغزالي إنني آبى كل الإباء أن أربط مستقبل الإسلام كله بحديث آحاد بحديث آحاد مهما بلغت صحته كيف أجازف بعقائد ملة شامخة الدعائم عندما أقول لا يؤمن بها من لا يؤمن بهذا الحديث. Et il dit, en exposant sa réplique, Hafidhahullah al-Ghazali, l'Égyptien, il dit, prends comme exemple la parole de Ghazali, qui dit que les hadiths authentiques, qui sont ahad, ne contiennent que des enseignements incertains, et non pas un enseignement certain. Et Ghazali dit, et les hommes de science sont unanimes du fait de mettre ces hadiths ahad dans les branches de la législation. Et Ghazali continue de dire, et j'ai vu un petit nombre parmi Zahiriya ainsi que le Hanabila qui voient la mise en application du hadith ahad dans les sujets, dire concernant les croyances, alors que cet avis, il est à rejeter. Et il dit, de toute façon, nos croyances doivent être basées et se basent sur des textes mutawatir. Que tawatur soit au niveau de l'expression ou au niveau de la signification. Il Ghazali de dire, je refuse et je n'accepte pas le fait de lier l'avenir de l'islam tout l'avenir de l'islam, un hadith ahad. Malgré le degré d'authenticité, hein, dans lequel se trouve ce hadith. Je vais pas jouer avec les croyances d'une grande voix, c'est-à-dire d'une, de la milla de l'islam, qu'on je dirais, ne croit pas celui qui ne croit pas en ce hadith, c'est-à-dire n'est pas croyant celui qui ne croit pas en ce hadith ahad. Regardez. Maintenant, écoutez la réplique et comment cette forte compréhension, cette compréhension subtile et minutieuse que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à cet imam, Cheikh Rabi, hafidhahullah. Qala hafidhahullah, mahada الغزالي مهد بهذا الكلام لإنكار أحاديث انشقاق القمر دالة على إحدى المعجزات الكبرى والمدعمة بقول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر ولإنكار أحاديث وقوف الشمس لأحد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثابتة بالسنة الصحيحة المتلقاة من الأمة بالقبول. Cheikh Rabi' de dire, Al-Ghazali a fait cette introduction pour rejeter le hadith dans lequel est rapporté que là, la lune a fondu en deux. Ce miracle, ce grand miracle, que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à son messager, alayhi salatu wassalam, qui est prouvé aussi par la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le verset, le qamar, la lune, dont la traduction approximative dit ceci, l'heure approche et la lune a fondu. Et quand il voit, ici il voit un signe, il se détourne et il dit ceci, ah, est une magie. C'est une magie qui continue. C'est une magie constante. Et aussi, il a fait cette introduction pour réfuter et pour ne pas prendre en considération le hadith dans lequel est stipulé que le soleil s'est arrêté par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour un des prophètes alayhi salatu wassalam. Ce hadith qui est confirmé dans la sunna authentique qui a été acceptée par la communauté. C'est-à-dire par la communauté des hommes de science. Yaqulu Cheikh Rabi' فَالرَّجُلُ يَأْبَى كُلَّ الْإِبَى أَنْ يُؤْمِنَا وَأَنْ يَنْقَادَ لِأَحَادِيثِ الرَّسُولِ الْعَظِيمِ صلى الله عليه وسلم مَهْمَا بَلَغَتْ مِنَ الصِّحَّةِ جَاهِلًا أو متجاهلا لأكثر من 30 آية قرآنية تأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذر من مخالفة أمره وتتوعده بعذاب النار والخلود فيها والعياذ بالله. Il dit, l'homme, c'est-à-dire le Ghazali, refuse, d'un grand refus, de croire et de se soumettre au hadith du messager alayhi salam, peu importe le degré de l'authenticité de l'établissement de ces hadiths. Soit il est ignorant, soit il joue l'ignorance. Soit il est ignorant ou, hein, il est ignorant ou alors, il joue l'ignorance concernant plus de 30 versets du Coran qui ordonnent le fait d'obéir au messager alayhi salatu salam et qui avertissent contre le fait de d'être en divergence avec un seul ordre du prophète alayhi salatu salam et qui avertit d'un grand châtiment, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Il a un qal. ملاحظة من الجدير بالذكر حسب تتبعي لمنهج الأشاعرة أني لم أجدهم لا سيما المتقدمين منهم يردون أخبار الآحاد لا في العقائد ولا في غيره وإنما نجدهم يسلمون بما لا يتعارض مع عقائدهم ويتأولون ما يخالفها كما يتأولون نصوص القرآن وتفريقهم بين الأخبار المتواترة وأخبار الآحاد إنما هو أمر النظر، ولها جلالتها ومكانتها عندهم، وما رأيت أحدا منهم يستخف بأخبار الآحاد أو يحاربها بضراوة كما يفعل الغزالي، وقد ذكرت سلفا موقفهم منها بل موقف بعض المعتزلة. إلدي حفظه الله تعالى إلدي Il convient ici de citer selon ce que j'ai suivi, selon la lecture que j'ai faite. C'est-à-dire les paroles sont à Cheikh Rabia. Selon les paroles que j'ai faites à la voix des Asha'ira, je n'ai pas trouvé les anciens parmi eux. Je n'ai pas trouvé surtout chez les anciens parmi eux que quelqu'un parmi eux rejette les hadiths ahad dans les croyances ou autres. Mais j'ai trouvé qu'ils se soumettent aux hadiths qui ne s'opposent pas à leurs croyances. Ils se soumettent aux hadiths qui ne s'opposent pas à leurs croyances et ils donnent des fausses interprétations aux hadiths qui sont en divergence avec leurs croyances, comme ils font des fausses interprétations aux textes du Coran. Et le fait qu'ils font la séparation entre les hadiths mutawatir et les hadiths ahad, chez l'Asha'ira, ce n'est qu'une théorie. Et les hadiths ont leur place chez eux. Il dit, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui néglige les hadiths ahad ou qui les combatte d'un grand combat comme le fait le Ghazali. Il dit, auparavant, j'ai cité leur position, ainsi que la position de certaines Mu'tazila. Ça veut dire, ce qu'il est en train de dire, Cheikh Rabia, que le Ghazali, il combat d'un grand combat, hein, et il néglige, d'une grande négligence, les hadiths ahad. Il dit, Ghazali, الأشاعرة أو إلى غيرهم من أهل السنة أنهم لا يبنون عقائدهم على أخبار الآحاد فذلك راجع إلى أحد أمرين إما إنه جاهل بالواقع الذي عليه المنتسبون إلى السنة وإما أنه يعرف ذلك ويسلك مسلك المغالطين لترويج مذهبه وأفكاره الشادة التي تؤدي إلى نبذ معظم السنن الصحيحة. Et il dit, Hafidhahullah, Cheikh Rabi'i, si maintenant le Ghazali attribue aux Ash'arites et à autres parmi les gens de la Sunna comme quoi ils ne basent pas leur croyance sur l'Ahadith l'Ahad, celui revient à deux choses. Soit il est ignorant de la situation qu'il attribue aux gens de la Sunna. Soit il est ignorant de la situation sur laquelle sont les gens de la Sunna, c'est-à-dire concernant Khabar al-Ahad. Soit il connaît la situation des gens de la Sunna, mais il suit ce chemin pour induire en erreur et pour propager sa voix et ses pensées marginales qui vont conduire au fait de délaisser une grande partie des Sunnans authentiques. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve le Cheikh Rabi' et qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge sa vie dans son obéissance et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de la science de nos hommes de science là où ils soient, là où qu'ils soient, qu'ils soient en Algérie parmi les hommes de science d'Algérie ou qu'ils soient les hommes de science, en Arabie Saoudite, en Inde ou ailleurs, là qu'ils soient les hommes de la Sunna et les hommes de science de la Sunna, les salafis parmi eux, que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de leur science et que Allah subhanahu wa ta'ala les préserve, préserve leur vie et allonge leur vie dans son obéissance. Et subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli allahumma wa sallim وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم وجزاكم الله خيرا.